Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Nous sommes le mardi 20 avril 2021, il est 14h01, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gemozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle le principe, il est très simple, comme chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi où je reçois une ou un invité, je reçois aujourd'hui par téléphone et grâce au partenariat mis en place entre Radio Gemozo et le bureau de Lilith, une invitée pour qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions et autres. Et aujourd'hui, c'est Delphine du groupe The Red Forks qui est avec nous par téléphone pour nous parler de sa carrière, de la carrière du groupe The Red Forks, mais aussi du premier album de The Red Forks, sorti le vendredi 13 novembre 2020. Ça fait donc un peu plus de 5 mois. Donc bonjour Delphine. Bonjour Chris. Comment ça va ? Ben ça va. Et ben parfait. Donc du coup, on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter, vous, en quelques mots ? Alors donc je m'appelle donc Delphine, je suis professeure de chant et chanteuse et je fais donc partie du projet The Red Forks qui est un trio de musiciens à tendance folk, celtique, voilà, musique américaine. D'accord, donc là, juste après, je vais vous demander de vous présenter le groupe The Red Forks, mais vous venez de le faire un petit peu. De toute façon, on va détailler durant toute cette heure d'émission. Donc, mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme la semaine dernière d'ailleurs, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact, donc vous et moi. Donc je tenais à la remercier et à la saluer si jamais elle nous écoute. Voilà, la petite parenthèse. Je suis d'accord, moi aussi. Et ben voilà. Donc bonjour Géraldine. Donc... la parenthèse étant fermée, on va poursuivre. The Red Forks, comme vous l'avez dit, est un trio. Donc il y a vous, Delphine, au chant. Oui. Il y a Maëlys au violoncelle. Et il y a Cyril au guitare 6 pardon, et 12 cordes. C'est bien ça ? Tout à fait. Ok. Donc depuis quand, depuis combien de temps le trio The Red Forks existe-t-il ? Il existe depuis 7 ans à peu près. D'accord. Depuis 2014. D'accord. Et comment s'est formé ce trio ? Eh bien, on a commencé à jouer ensemble avec Cyril. On s'est rencontrés par petites annonces. D'accord. Et on a commencé à jouer ensemble, à la fois des reprises et on a essayé de commencer à créer aussi nos propres compositions. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis prof de chant, j'étais professeur de chant dans un conservatoire dans lequel Maëlys, la violoncelliste, était aussi professeure de violoncelle, évidemment. Et donc on s'est rencontrés comme ça, on a eu l'occasion de jouer ensemble dans le cadre du conservatoire. Et l'alchimie s'est fait assez immédiatement. Et en plus, ça faisait très longtemps que je rêvais d'avoir une violoncelliste, enfin du violoncelle dans mon projet artistique. Et voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Et donc l'initiative de ce groupe, enfin de ce trio, The Red Forks, elle vient de vous ou c'est tous les trois ensemble qui avaient pris cette initiative de ensemble ? Bah du coup, elle est née peut-être au départ de Cyril et moi, du guitariste et moi, puisque on avait commencé à construire quelques compositions. D'accord. Mais il a vraiment pris tout son temps avec l'arrivée de Maëlys au violoncelle. D'accord. Et donc, je suppose que, et comme vous l'avez dit, et comme le nom de votre groupe l'indique, The Red Forks, vous faites majoritairement de la musique folk. Oui. Et quel autre style de musique pratiquez-vous dans ce groupe, si jamais vous en pratiquez un ou d'autres styles de musique ? Après, c'est comme tous les styles de musique, ça peut être assez vaste, et la folk, ça peut être... très celtique ou très irlandais ou très américain. Je pense que nous, on a des influences de tous ces pays anglo-saxons, on va dire. Et puis, on a un peu les influences aussi de chacun, puisqu'on a des parcours professionnels et personnels aussi, artistiques. profils différents. On peut notamment Maëlys avec son violoncelle a un parcours essentiellement classique, enfin avait un parcours, ça a changé depuis quelques années, mais voilà, donc c'est son influence classique, le côté écrit des cordes et les envolées un peu lyriques des lignes de cordes. Parce qu'on a joué aussi avec une violoniste au début du projet, donc on avait quelque chose de très très écrit au niveau des cordes, et voilà, donc l'influence classique. Après, on essaye de donner un côté un petit peu plus rock dans certains morceaux, ou plus pop, en fonction des ambiances du morceau et de l'énergie qu'on a envie de faire passer. Voilà. D'accord. Et donc, dans ce trio, on va dire, vos postes, entre guillemets, ça s'est fait naturellement. Parce que vous êtes prof de chant, donc vous êtes devenue du coup la chanteuse. Maëlys, la violoncelliste, donc le violoncelle. Et Cyril, il jouait déjà de la guitare avant. Oui. Donc ça s'est fait naturellement, la distribution entre guillemets des rôles. Oui, après il y a des instruments un peu secondaires qui sont arrivés assez rapidement. Donc par exemple, Cyril n'est pas uniquement guitariste, il est aussi percussionniste dans le groupe, il fait de la grosse caisse notamment, il fait aussi pas mal de chœur et il chante aussi. Maëlys fait aussi un petit peu de percussion et fait également des chœurs. Et il y a aussi un instrument un peu atypique dont je joue, c'est l'harmonium indien. Parce qu'en fait, au départ du projet, j'ai fait du piano, donc il y avait du piano dans le projet. Et on a découvert au fur et à mesure l'harmonium indien, et on trouvait qu'il avait c'était un son qui allait on se disait que ça allait bien se mélanger avec les cordes et avec le violoncelle, donc on a essayé, ça nous a assez vite compris, et donc je joue de l'harmonium indien voilà aussi. D'accord. De toute façon, je l'ai préparé quelques questions sur les autres instruments, sur vos autres postes, on va dire, donc on pourra en parler plus en détail un peu plus tard dans cette émission, du coup. D'accord. Mais du coup, le nom du groupe, pourquoi The Red Fox? Je suppose The Fox pour le style de musique, mais pourquoi The Red? Alors effectivement, tout à fait, le folk c'est pour la musique, mais c'est aussi, on aime bien le double sens, parce que folk ça veut dire les gens. Aussi, d'accord. Voilà. Donc, et red, c'est un petit peu la couleur de la passion et des sentiments, des émotions par excellence. Nos chansons parlent beaucoup des émotions. Donc c'est un peu le fil conducteur de ce qui relie un peu le thème de toutes les chansons, c'est un peu ça. D'accord, oui, donc le nom de votre groupe a toute une symbolique, du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Donc il est 14h09, comme annoncé en introduction, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre carrière, ainsi que de l'histoire du groupe The Red Fox, et de votre premier album sorti le 13 novembre 2020, intitulé Tales and Wanderings, que l'on pourrait traduire en français par Contes et Pérégrinations. Mais avant d'approfondir le sujet, je vous propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de votre album, donc Tales and Wanderings, et que nous écoutions le morceau numéro 12 de votre album. C'est d'ailleurs le dernier titre de l'album, morceau intitulé Iceland, que l'on pourrait traduire en français tout simplement par Islande. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute Iceland ? Avec grand plaisir. Parfait. Alors on écoute Iceland et on se retrouve juste après cette chanson. Donc à tout de suite. À tout de suite. I wonder why they call you ice when your earth is so warm. Every shimmering colors, it makes me blink twice to get all the shades. I wonder why they think you're bare when your nature's so crowded, but the spirit's everywhere, hiding behind. If you come across this land, you'll understand. your unspeakable language. We had so much fun treading the volcano names with our tongues reaping up again all the names. I'd dive with your buttons and swim with your waves, drink your brenivin, yet put your shark on bay. So much would you take? Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter The Wed Folks avec leur morceau Iceland, tiré de leur tout premier album Tales and Wanderings, sorti le 13 novembre dernier. Donc vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine, du trio The Wed Folks, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de ce premier album. Ça va toujours ? Oui, merci. Parfait. Donc avant de poursuivre, et pour celles et ceux qui ne parleraient pas forcément anglais, qu'est-ce qui est raconté dans votre titre Iceland ? Alors, Iceland, en fait, elle est née d'un voyage que la violoncelliste Maïlise et moi avons fait en Islande, il y a quelques années, il y a 3 ans et demi, je crois. Et donc, c'était un petit peu le bouleversement au niveau des sens et des sensations. Voilà, ces volcans, cette terre chaude, les couleurs, enfin, ce qu'on a vécu là-bas, donc c'est... à la fois émotionnellement et puis au niveau des paysages, ce qu'on a vécu lors de ce séjour. D'accord, donc c'était en quelque sorte pour rendre un certain hommage au pays qu'est l'Islande. Tout à fait. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Donc il me semble savoir que Tales and Wanderings n'est pas votre premier projet musical. Non. Vous avez déjà quelques EP à votre actif ? Oui. Vous en avez... deux, c'est ça ? Oui, alors le deuxième est un extrait de l'album, parce qu'on m'a mis pas mal de temps à construire cet album, on a mis plusieurs années, donc on voulait entre-temps sortir un extrait, donc le deuxième est l'extrait de Tales and Wanderings, The Shot, mais mm-hmm. Le premier, donc New in Town, c'est un EP qu'on a sorti assez peu de temps dans l'année suivant notre formation. On a sorti un premier EP, 7 titres, en 2014 ou 2015, ouais. D'accord. Ok. Donc, mais là, donc l'album Tales and Wandering, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années, donc comme vous l'avez dit, de travail et de EP entre guillemets. Et vous avez d'autres projets musicaux à venir, genre peut-être un deuxième album ou d'autres EP ? Ben, on espère défendre un petit peu notre premier album sur scène, même si ça fait longtemps qu'on le joue aussi, mais voilà, continuer à... On n'avait pas encore sorti l'album, les morceaux ont beaucoup évolué depuis la première fois où on les a joués, donc on... et puis on a des nouveaux, etc. Donc on espère pouvoir défendre un petit peu Tales and Wanderings très vite sur scène, et puis bien sûr, on est déjà dans la... On a créé des nouveaux morceaux, et on espère se remettre aussi sur les chemins de l'enregistrement assez prochainement pour effectivement un EP au moins, quoi. D'accord. En préparant cette émission, j'ai lu quelques articles et j'ai eu également l'occasion de lire et d'entendre, car j'ai également écouté votre album, donc en préparant mes questions, j'ai entendu des influences, certaines influences irlandaises. Donc vous chantez en anglais, mais vous êtes originaire de Paris, il me semble. Donc pourquoi avoir pris la décision de chanter en anglais ? Alors, moi j'ai une culture... Moi, je tombais amoureuse de l'anglais, de la langue anglaise très très jeune, et j'ai une culture musicale essentiellement anglo-saxonne. J'écoute vraiment très très peu de chansons françaises, un peu les classiques, et puis de par mon métier aussi, je suis obligée, je m'intéresse à tout, mais c'est vrai que ma musique de cœur, c'est vraiment les sonorités anglo-saxonnes, et puis assez jeune, j'étais pas mal de fois en Irlande, et je suis aussi tombée amoureuse de ce pays en entier, quoi, de ces pays, du pays en lui-même, des gens, de la culture, j'ai pas mal baigné dedans, et donc et mes premières chansons aussi, même quand j'étais ado, même des choses pas exploitables, c'est vraiment la langue, c'est ma langue un peu d'écriture qui est devenue assez naturelle sans réfléchir, même si évidemment c'est pas, je suis pas issue de là-bas, mais voilà. D'accord. Donc là, quand vous venez de le dire, même avant d'être du coup professeur de chant et du coup de faire partie du groupe The Wild Folks, la musique a toujours fait partie de votre vie, même quand vous étiez plus jeune. Ah oui, oui, depuis le plus jeune âge. J'ai commencé, j'étais au conservatoire très très jeune, à 5-6 ans, et j'ai jamais arrêté, ça n'a été qu'en s'amplifiant même, voilà. D'accord, donc depuis votre enfance, vous aviez l'objectif, le but de faire de la musique plus tard, et pourquoi pas d'en vivre un jour ? Oui, alors c'est venu, c'était un rêve d'adolescente au départ, je pensais pas réellement... pouvoir faire ça. Je voulais être chanteuse vraiment à temps plein au début, et puis j'ai vu aussi que la pédagogie m'intéressait, donc et je trouvais ça intéressant aussi de pas forcément vivre du chant en lui-même pour pouvoir vraiment choisir ses... parce que comme tout le monde sait, c'est pas évident de vivre du côté vraiment artistique. Et du coup de pouvoir vraiment choisir les projets que j'avais envie de faire. Et en même temps, être professeur de chant, c'est quand même assez proche aussi d'avoir un pied dans l'enseignement, à la fois dans le côté artistique, et puis aussi pour ma place d'enseignante, c'est très important d'avoir un projet artistique et de connaître les réalités aussi. Donc les deux s'enrichissent, et j'ai trouvé un équilibre de cette façon. D'accord, donc d'une manière ou d'une autre, vous réussissez à vivre votre passion. Oui, on peut le dire. D'accord. J'ai la chance, très grande chance. D'ailleurs, on va revenir du coup sur votre l'album et sur votre groupe The Wild Folks. Quel est votre désir à travers votre musique ? Est-ce que vous souhaitez, on va dire, faire voyager les personnes qui écoutent votre musique, leur faire ressentir des choses ? Tout à fait. Ouais, c'est... En fait, j'essaie de transmettre de transmettre des choses qu'on a ressenties peut-être en écoutant quand on éprouve les premières passions musicales. C'est des choses que la musique, ça peut emmener très très très très loin et de façon très intime. Et on espère, de par la musique, de par les textes. C'est pour ça que les textes sont pas forcément à mettre devant la musique, que chacun s'empare de ce qu'on fait comme il en a envie, et pour que ça fasse vivre son imaginaire et son intérieur, et le fasse voyager dans ses émotions, quoi. D'accord, donc est-ce que vous pensez qu'on puisse dire que vous ne faites pas de la musique que pour vous, mais aussi pour les autres ? Ah oui, Ouais, j'espère qu'on fait de la musique pour les autres, même. Qu'il y a un vrai échange. Cet échange, il est vraiment important pour moi. Oui, car comme dans tout, j'imagine, comme dans tous les milieux artistiques, le contact avec le public, quand c'est possible, oui. C'est vraiment ce qui fait. Enfin, c'est le moteur, en fait. Tout à fait, exactement. D'accord. Pour faire votre musique, est-ce que vous vous inspirez d'autres artistes ? Oui. Alors, pas forcément directement, mais par exemple. Un artiste qui nous a pas mal réunis et dont on fait une reprise sur l'album, c'est un artiste irlandais qui s'appelle Damon Rice, qui est vraiment qui est pas forcément connu de tout le monde en France, mais qui est vraiment une immense star en Irlande. Et après, il y a d'autres groupes comme Mumford & Sons. C'est un groupe anglais aussi qui fait une musique un peu plus bluegrass dans le cas du banjo ou des instruments comme ça, de la mandoline. Soufiane Stevens, qui est un artiste aussi américain qui va très très loin dans les ambiances qu'il développe. Ça peut aller de l'électro à des choses très très folk, très guitare-voix. Donc on aime bien cette palette de musical, quoi. Il y a aussi Lorina McKennitt qui nous a pas mal elle c'est vraiment très celtique pour le coup. Elle adapte des textes de William Butler Yeats qui est un peu de Shakespeare irlandais. Elle en a mis pas mal en musique, ou des contes et légendes qui tournent autour de la culture celtique. Et puis après on a un peu nos influences personnelles qui enrichissent aussi la musique qu'on fait, je pense. Mmh. Oui, car justement, là, ma question juste après, elle était directement en lien avec ce que vous venez de dire. C'est, je vais quand même la poser, même si vous y avez déjà répondu. J'ai également vu que, à travers votre musique, du coup, et à travers vos racines plus ou moins directes, vous vous inscrivez dans une grande famille, entre guillemets, dans laquelle on retrouve, comme vous l'avez dit, Damon Rice, duquel vous reprenez dans votre album le morceau Coconut Skins. C'est d'ailleurs l'avant-dernier morceau de votre album. On retrouve également Alanis Morissette, Lorina McKinnitt, comme vous l'avez dit, Soufiane Stevens ou encore Dido. Donc j'imagine que ça vous fait ressentir une certaine fierté de faire partie de la même famille, entre guillemets, que ces différents artistes. Oui, c'est sûr. Après, c'est sûr, on est très fiers de faire partie de la même famille. Après... ce sont des gens qui nous ont inspirés plus ou moins et plus ou moins tous. Donc c'est sûr qu'on espère que dans la musique on leur rend justice, et si on peut sentir un petit peu ces influences là, effectivement on serait très très honorés. D'ailleurs moi j'ai remarqué du coup en écoutant votre album que dans votre voix quand vous chantez, j'ai l'impression d'entendre le célèbre groupe Texas dans la voix. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Non. Ah bah voilà. C'est chouette parce que Charline Spiteri a une magnifique voix, donc ça me fait très plaisir. Bah voilà. Donc avec plaisir. Donc justement, avant de poursuivre, il est 14h25, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième extrait de votre album Tales and Wanderings, et que nous écoutions le morceau, cette fois numéro 5 de cet album, morceau intitulé The Cursed King, que l'on pourrait traduire en français par Le Roi Maudit, il me semble. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, du coup, après The Cursed King. Donc à tout de suite. À tout de suite. So you built yourself a palace wall. Doesn't mean that it's steady. Though you choose the perfect Lego, a kick and it's wobbly. Well, I'm not afraid. State that I like clowns, and I take. Great. Even if sometimes I break my nails, but you could say some bugs are still under construction. gets lost. Any bad fate you do, would you seize the chance to hope for now? If I come to you, stop pretending you're a casket. If I come to you, vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h, presque 14h30. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter The Red Folks avec leur morceau The Cursed King. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine, chanteuse du groupe justement The Red Folks, qui est là pour nous parler entre autres du premier album du groupe. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Delphine? Ah oui, tout à fait. Parfait. J'espère que vous aussi. Ah oui, totalement. Et puis, je trouve que votre musique, elle donne la pêche aussi. Ah bah, c'est cool parce que c'est aussi une des facettes qu'on veut faire ressentir, pas que des choses, trop onirique, enfin, pas que du côté onirique, mais aussi un peu d'énergie, ça fait pas de mal. C'est vrai. Donc d'ailleurs, même question que pour le premier extrait qu'on a écouté tout à l'heure, y a-t-il un message que vous souhaitez faire passer à travers votre morceau The Cursed King? En d'autres termes, de quoi parle ce morceau? Alors, il parle d'une personne incarnée par le roi maudit, mais qui se met un peu en marge de la, une personne qui se met un peu en marge de la société et de voilà des gens qui l'entourent parce que en construisant des murs et parce qu'il se croit lui-même exclu de cette société et des gens qui l'entourent, mais c'est aussi lui-même qui se construit ses propres murs, donc il entretient un peu ce cercle vicieux et c'est un petit peu à l'image de beaucoup de chansons, c'est toujours être dans l'échange nous tient beaucoup à cœur dans les rapports humains. D'accord, ok. D'ailleurs, en écoutant votre album, et je l'ai également ressenti en préparant cette émission, nous passons, on va dire, par différentes sensations. Votre musique captive, elle surprend, elle donne à réfléchir et fait bouger notre corps un peu tout seul, si on peut dire, comme il en a envie. Donc, était-ce là aussi un de vos buts en enregistrant cet album? Peut-être que c'était pas forcément réfléchi, mais en tout cas, si j'avais eu à y réfléchir, ça me fait plaisir qu'il fasse ressentir tout ça parce que je pense que c'est important qu'un album, en plus le concept d'album aujourd'hui, c'est un peu perdu de sa valeur, dans la façon d'écouter de la musique. Et en tout cas, je trouve que c'est important qu'un album fasse voyager dans les différentes énergies aussi qu'il développe au travers des différentes chansons. Donc si mission à peu près accomplie pour le nôtre, c'est vraiment chouette. D'accord. D'ailleurs, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être développer un petit peu. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer votre album Tales and Wandering, on va dire, de A à Z? C'est pas évident parce que y a certains des morceaux qu'on joue depuis assez longtemps, mais qui ont vraiment changé de forme avec le temps et avec les rencontres, et notamment avec la rencontre de notre directeur artistique Zaf Zafa, donc qui a vraiment participé activement au projet, qui a vraiment mis sa patte dans l'enregistrement de l'album, en fait, lui, il a aussi il a pas mal d'expérience dans plein de styles de musique. Il a travaillé avec Higelin, avec Mathieu Bogart, avec des artistes plus jazz aussi, avec Magic Malik. Enfin, voilà. Il est très. Il a aussi produit, enregistré l'album de Bonbon Vaudou, donc il a cette couleur un peu world, peut-être un peu plus world. C'est vrai qu'il y a des instruments aussi un petit peu étranges, par exemple sur Iceland, il y a des instruments indiens, du tambour de chaman qu'on n'aurait jamais eu l'idée de mettre. S'il n'avait pas participé au projet, et aussi dans les intentions, dans la structure des morceaux, il a eu beaucoup de choses ont été changées, modifiées, enrichies avec sa patte et son arrivée. Donc voilà, on peut dire que à partir du moment où il est arrivé, l'enregistrement a dû durer, on a travaillé dessus pendant 2 ans à peu près. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est vraiment un grand travail en amont, ce qui paraît logique, oui, pour créer un album, du coup. Donc, oui. Comme annoncé en introduction, dans The Wet Folks, vous êtes trois. Donc, il y a vous, Delphine, au chant, Maëlys au violoncelle et Cyril aux guitares à 6 et 12 cordes. D'ailleurs, avant de faire mes recherches, je ne savais pas que les guitares à 12 cordes existaient. Voilà. Mais vous ne vous servez pas que de ces instruments pour faire votre musique. On entend également d'autres sonorités, d'autres instruments, donc le hautbois, le tambour de chaman, comme vous en avez parlé, la flûte traversière, un chœur gospel ou encore un harmonium indien que vous jouez également, il me semble. Oui. Donc pour reprendre les termes du document de presse que j'ai eu l'occasion de lire en préparant mes questions. Donc pour ces autres instruments, est-ce que vous avez d'autres musiciens en fond, ou est-ce que c'est vous trois, et vous trois seulement, qui jouez de tous ces instruments, on va dire, en même temps? Alors, les deux, mon capitaine. D'accord. C'est-à-dire que pour pas mal d'instruments, il y a beaucoup d'intervenants sur l'album, parce que justement, Zafa nous a apporté ce côté où pas se mettre de l'une dans les sonorités. Et donc, y a, je crois qu'en tout, on est 18 musiciens sur scène, donc c'est loin d'être que nous. Voilà, il y a eu un oboïste, une flûtiste, comme vous l'avez dit, violoniste, altiste, etc., et plusieurs percussionnistes et batteurs. Après, nous, à travers de nos instruments, on essaie de donner cette dynamique quand on fait des concerts que tous les trois. Donc c'est pour ça que je disais que Maëlys et Cyril récupèrent les parties un peu de percussion essentielles pour quand le morceau en a besoin. Et après, on fait aussi des concerts où on invite un batteur ou un percussionniste, des chœurs, violoniste, flûtiste, etc. Donc ça dépend vraiment du contexte du concert de ce qu'on a envie de faire passer en fonction du lieu, etc. D'accord. J'ai également lu que tout ça, toutes ces sonorités, tracent un chemin, pour citer le document de presse en question, un chemin original, singulier dans le monde de la folk, et fait couler sur nous une douce pluie musicale porteuse de belles émotions et de puissants frissons. Donc, fin de citation. Là aussi, est-ce que c'était votre objectif de faire ressentir tout ça? Oui, ça je pense que oui. Enfin, c'est important, le frisson dans la musique, et ressentir vraiment ce petit courant d'électricité, ces petites sensations assez impalpables et difficiles à décrire par des mots. Oui, on espère pouvoir faire que certaines personnes puissent ressentir ça à l'écoute de notre musique. D'accord. Et donc, vous avez également, comme on l'a dit un peu plus tôt, du coup, des influences, on va dire, de la musique irlandaise, parce que, corrigez-moi si je me trompe, la folk, c'est surtout un style de musique qu'on entend en Irlande. En Irlande, et puis aussi aux États-Unis. D'accord. Angleterre et États-Unis, pays anglo-saxons, quoi. D'accord. Oui, donc, voilà, c'est pour ça qu'on reconnaît une grande inspiration, tout simplement, folk. Voilà, c'est ça. Donc il est 14h38, avant d'aller plus loin à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album Tales and Wanderings, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 2 de cet album, morceau intitulé What If, pour et si ou Et qu'est-ce qui se passerait si, si nous voulons traduire le titre? Donc on écoute à nouveau ce titre, enfin à nouveau le titre qu'on n'a pas encore écouté, mais voilà, je me suis compris, je me fais enfin bref. Donc on se retrouve, on écoute What If, enfin What If, et on se retrouve juste après, d'ici bah, à la fin de la musique, tout simplement. À tout de suite. Always been too alive in my soul, far too weary with all these crimes of shame. They try to scare me, they just all add to the noise that's surrounding us. I wanna be deaf for a while, listen to the silence. What if Falls avec leur morceau What If sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour, il est 14h42, vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine du groupe The Wed Folks. Tout est toujours bon pour vous? Oui. Parfait. Donc, vous avez l'habitude désormais, même question que pour les deux précédents morceaux, qu'est-ce qui est raconté dans ce morceau What If? Alors, ce titre, il est sur, sur les mauvais jeux de communication qui sont entre les personnes et qui mènent à des incompréhensions qui font que, bah, du coup, on s'embourbe un peu dans, dans les rapports humains. Voilà. D'accord, comme on entend par exemple dans la chanson, pour citer une des questions que vous vous posez dans la chanson, c'est « What if nobody sees me ?» Donc on pourrait traduire par « Qu'est-ce qui se passerait si personne ne me voyait ?» Oui. Donc ça représente, ce titre représente tout un tas de questionnements que vous ou que le personnage que vous, on va dire, que vous interprétez dans cette chanson se pose et que n'importe quel être humain pourrait se poser. Voilà, c'est ça, c'est un peu les films qu'on se fait dans sa tête, cette petite paranoïa parfois, et qu'on communique pas et qui peut faire boule de neige et se transformer en des tensions qui peuvent être apportées à conséquence, quoi. D'accord. On va donc reprendre le cours de cette émission pendant le petit quart d'heure qui nous reste. Avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous depuis plus d'un an maintenant, j'imagine que c'est très compliqué pour The Wet Folks non seulement de se produire, mais de se faire encore une plus grande notoriété. Ou alors, est-ce que vous réussissez à passer entre les gouttes ? Alors, je ne cache pas que c'est très compliqué, surtout que... On a prévu beaucoup de choses au pire moment. C'est-à-dire qu'on était aussi en création d'un spectacle autour de l'album avec un metteur en scène. La création du spectacle a été annulée. On a fait deux résidences, etc. La création du spectacle a été annulée la veille. Ça devait être le 14 mars 2020. Et puis, dans la foulée, on devait sortir l'album. Tout ça. Et puis... on a pu un peu jouer l'été dernier parce qu'on fait une tournée en Bretagne parce que la violoncelliste Maëlys est originaire de Santec en Bretagne et ça fait plusieurs années qu'on aime aller là-bas pour jouer. Donc on a pu un peu conserver ça l'année dernière. Mais j'avoue que sinon c'est assez compliqué. Alors grâce notamment à Géraldine et le bureau de l'élite et des radios comme les vôtres et des webzines, on arrive à avoir un petit peu de visibilité et on vous en remercie parce que c'est un peu c'est la seule qu'on ait puisqu'on peut pas vraiment défendre l'album en vrai. C'est la réalité en ce moment, en tout cas pour nous. Bien sûr, et aussi quand j'ai organisé ce partenariat entre Radio Guémozo et le bureau de Lilith, c'était aussi un de mes objectifs de faire de la visibilité aux artistes, parce que je sais qu'avec la crise sanitaire, c'est pas évident, parce que voilà, je suis personnellement aussi un peu dans le milieu artistique, plus du côté de l'écriture, et vu que tous les salons du livre, tout ça, sont annulés, c'est pas très évident de se faire connaître. Ouais. Donc, du coup, voilà, si on peut donner un petit coup de pouce aux artistes, nous en sommes ravis, et surtout... pour encourager, pourquoi pas, les auditeurs et auditrices à acheter votre album, car franchement, je trouve que c'est vraiment un bel album qui mérite d'être écouté. Donc voilà, après, c'est mon avis personnel. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc justement, vous parliez de mise en scène tout à l'heure. Donc quand vous êtes sur scène, est-ce qu'il y a déjà eu un certain travail théâtral grâce notamment au metteur en scène Laurent Gachet, c'est ça ? Tout à fait, donc, exactement. Est-ce que vous avez déjà eu le droit, on va dire, le droit à avoir une jolie mise en scène avant la crise sanitaire, ou est-ce que ça sera pour après la crise sanitaire ? On avait justement le spectacle mis en scène par Laurent Gachet qui devait se faire à la création, comme je disais, le jour de la premier confinement. Donc on l'a jamais, on a tourné, on a fait une vidéo, on a extrait quelques clips live, mais on n'a jamais pu le faire vraiment en public. Et j'avoue que c'est un peu frustrant, parce qu'encore une fois, c'est un travail de plus d'un an, et avec des décors, des costumes, etc. On travaille, en fait, là, on est actuellement on travaille aussi avec une comédienne et une metteuse en scène la perspective de la reprise des concerts, donc dans une optique plus concert. Les Amours Fantômes, c'est vraiment un spectacle avec des textes, même si ça tourne autour de la musique, hein, c'est la musique qui a la place la plus importante. Bien sûr. Mais c'est important que dans notre musique aussi le visuel est une trame assez travaillée et aide le spectateur à rentrer dans l'univers, et on pense que ça passe notamment par un travail de l'espace scénique et de la mise en scène. Bien sûr, oui. Comme c'est un peu, c'est peut-être pas très comparable, mais c'est un petit peu comme le théâtre avec les costumes, les décors, tout ça. Tout à fait. Oui. C'est... D'accord. Je pense que même si c'est de la musique, il y a forcément un peu de théâtre à l'intérieur, si on veut donner de la profondeur aux choses et faire entrer le public dans l'histoire, quoi. Bien sûr, j'imagine, oui. Donc, il est 14h presque 49. Avant de nous quitter, je vous propose de nous écouter justement votre reprise de Damien Rice, dont on parlait tout à l'heure, et la reprise du titre Coconut Skins, le morceau numéro 11 de votre album. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute cette petite reprise avant de nous quitter ? Avec grand plaisir. Parfait. Alors, on écoute Coconut Skins, donc votre version, et on se retrouve juste après. À tout de suite. You can hold her hand and show her how you cry. Explain to her your weakness so she understands, and then roll over and die. You can brave decisions before you crumble up inside. Spend your time asking everyone else's permission, and then run away and hide. Oh, you can sit on chimneys, put some fire up your ass. As a whole, you can lie between her legs and go looking for. Tell her you're searching for her soul. You can wait for ages, watch your compass turn to coal. Time is contagious, everybody's getting old. Oh, you can see them chimneys, put some fire up your ass. No need to know what you're doing or waiting for, but if anyone should ask. Folks avec cette fois-ci le morceau Coconut Skins sur Radio Gemozo. Il est 14h53, vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Delphine du groupe The Red Falls. Je vais y arriver. Ça va toujours. Merci beaucoup. Parfait. Donc hein, vous êtes habitué. Même question. Que raconte ce morceau Coconut Skins? Alors, ce morceau, Damien Rice, il a une écriture, j'aime beaucoup cette façon d'écrire, qui est très métaphorique dans beaucoup de ses textes et qui laisse beaucoup de place à l'interprétation personnelle. Je pense que ce morceau, il est vraiment sur les moments où on est un peu en déprime un petit peu, où on a un petit peu, voilà, on n'est pas très, on n'a pas beaucoup confiance en soi, on se laisse un petit peu dériver sans énergie et tout ça, et justement les couplets, c'est un peu dire tu peux te laisser aller, et ou alors tu peux choisir de te donner un petit coup de pied aux fesses et puis de rien en avoir à faire du regard des autres et de vivre ta vie, et voilà, en gros. D'accord, très bien. Donc nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique et ou créer un groupe, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Pardon, j'ai pas très bien compris, je suis désolée. Pardon, non, c'est sûrement ma faute. Je vous demandais si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique ou créer un groupe, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Y a plein de bouts par lesquels commencer les choses. Je pense que c'est important de... ça peut être intéressant d'aller dans des lieux où on peut rencontrer des musiciens, donc notamment dans les SMAC, les scènes de musique actuelles où il y a des studios de répétition, d'aller un petit peu discuter avec les gens, de prendre des cours. Et puis de commencer assez vite à jouer ensemble déjà, et de parce qu'on est un peu dans cette culture de jouer un peu tout seul dans sa chambre et de se filmer pour faire une vidéo YouTube. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais bon, y a un petit peu ça, et je trouve ça dommage. Moi j'ai l'intime conviction que la musique est faite pour être partagée, que c'est une expression artistique, et quand on écoute ou le regard de l'autre, ça a moins de valeur en tout cas. Et de rencontrer des gens, de faire de la musique avec des gens, même si on a un niveau qu'on estime soi-disant pas très élevé, faut être vraiment dans l'échange énergieux, et puis justement essayer de suivre un petit peu son instinct pour évoluer. C'est un peu flou ce que je dis, mais je pense que la pratique et l'échange humain sont des composantes hyper importantes pour déjà se lancer dans la musique. D'accord. Donc il va être 14h57, on va bientôt conclure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Des concerts, que les concerts reprennent. Ben voilà, tout simplement. Voilà, déjà, ce sera déjà formidable. C'est vrai, parce que ça manque les concerts, ça manque beaucoup pour la culture et même pour les spectateurs. Ah oui. Donc, moi, c'est pas que en tant qu'artiste que je dis ça, c'est aussi en tant que spectatrice. On a besoin de s'échapper. C'est vraiment important pour tout le monde, quoi. C'est vrai. Si nous voulons vous retrouver, comment est-ce qu'on peut nous y prendre? Eh bien, sur les réseaux sociaux habituels, on est présent, c'est-à-dire Facebook, on a une page de Red Folks, et YouTube aussi, pareil. On a un site internet. Et faut pas hésiter à nous suivre, à s'abonner. C'est vrai que c'est devenu monnaie courante de dire ça, mais c'est vrai que ça, c'est heureusement ou malheureusement important que le public montre aussi à travers les réseaux sociaux qu'il suit les groupes qu'il aime. Voilà. D'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens en podcast de cette émission quand elle sera postée sur notre page Facebook demain dans la journée. Et puis, si vous voulez, je pourrais vous envoyer l'émission par mail. Avec grand plaisir. Et ben voilà. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure? Eh bien, voilà, il faut qu'on soit patient, mais j'espère qu'on se retrouvera tous bientôt. Voilà, dans une salle de spectacle, à partager des belles choses. Voilà, faut qu'on se, voilà, tout ce qu'on se décourage pas, c'est de garder l'énergie et de faire une belle fête quand tout, de belles fêtes quand tout sera terminé. Bah c'est tout ce qu'on souhaite, que ce soit aux spectateurs ou même à vous qui faites partie du monde artistique, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Eh bien, merci beaucoup. Donc, et merci beaucoup de nous donner cette visibilité. C'est vraiment très important pour nous, encore une fois. Avec plaisir. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Delphine, du groupe The Red Fox, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous reprends au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Screen, Jazzmasters et Smeyef avec leur titre Morning in Tbilisi. Voilà. Avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Delphine Aubry, une autre Delphine, qui était là pour nous parler de ses créations en papier mâché et de ses illustrations. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Cécile Brice, qui sera là pour nous parler du Conservatoire National des Arts et Métiers, ou CNAM. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo, et je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Merci Chris.